Mais non, c'est pas ma sœur qui marche à mon bras. C'est pas ma sœur, c'est ma meuf à moi. J'ai kidnappé personne. Et les lattes sont plein gré. Y'en a qui croient que je déconne. Je force personne à me croire, mais. Qui marche à mon bras, non, c'est pas ma sœur, c'est ma meuf à moi, ça peut pas être ma sœur, je la connais depuis 3 ans, alors que ma sœur, ça fait plus longtemps, forcément. Mais non, c'est pas ma sœur.